buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Bye. jaune dans l'océan pour protéger toute la vie de toute la terre. Bye. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. massacrer. Par pitié. Par pitié, faites qu'il n'y touche jamais. Voici Salambo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste, je retourne ma veste, je jure du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des attentateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, je jure de mon côté. Hey! Hey! Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et qui proteste, moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, je jure de mon côté. Hey! Hey! Je critique la révolution, je critique les institutions, je critique les manifestations, je critique la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, je jure de mon côté.